Ce qui est important, c'est que cette psychologie-là existe dans le monde et que les hommes éventuellement y accèdent ou puissent y accéder facilement. Peut-être qu'un jour, ça ira sur l'Internet, cette psychologie-là. Donc, ça facilitera l'exposure ou le contact avec d'autres humanités, d'autres hommes.